Thank you. musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots des gens, jamais les mêmes. Quand elle chante mal, je la refais. J'ai un petit problème dentaire. Pour te garder. ensemble, les gars. Allez, faites péter les guitares un peu. On va écouter la basse. Allez, Lino. Allez, Lino. Come on, Lino, come on. We'll be right back.